souvent question dans nos vendredis fiction de SF occidentale, principalement française ou anglo-saxonne. Qu'à cela ne tienne, cap à l'est. Aujourd'hui, direction le royaume du soleil levant où depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale prospère une espèce qui n'existe presque que là-bas, des créatures immenses aux proportions démesurées dont le principal objectif semble être de détruire massivement les immeubles et les infrastructures humaines. Pour lutter contre ces monstres géants, il n'y avait qu'une solution, construire des robots de la même taille pour s'engager dans des combats de titans. Bienvenue dans la lutte homérique de Kaiju contre Mecha. Robots et monstres géants, la folie des grandeurs, c'est le combat disproportionné qui sera le nôtre dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Émission donc sur la science-fiction japonaise, paradoxalement déclenchée par la récupération hollywoodienne de ce thème des robots géants avec la sortie du film Pacific Rim Uprising en salle depuis mercredi. Et pour commenter ces luttes virgiliennes ou homériques donc entre ces colosses de la modernité, nos pilotes du jour sont Marie Pruvot-Delaspre, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignante-chercheuse à l'université de Vincennes-Saint-Denis, docteur en études cinématographiques, spécialiste de l'animation japonaise. Vous préparez à ce propos un numéro de la collection sériale consacrée à Goldorak, dont nous parlerons tout à l'heure, apparaître au mois de septembre prochain aux presses universitaires François Rabelais. Bonjour Tony Sanchez. Bonjour. Vous êtes traducteur de manga, responsable de la rubrique BD chez ActuSF. Mais avant de revêtir nos armures de combat et de dire à voix haute le nom de chaque arme utilisée, eh bien telle Godzilla, elle sort de l'océan de façon périodique. Non pas pour démolir des villes portuaires, mais pour nous amener l'actualité scientifique la plus brûlante, ces OSS pour le Journal des Sciences. Bonjour Zoé. Bonsoir, je pourrais démolir des villes portuaires moi aussi. Le Journal des Sciences. Et pour commencer cette semaine, le prix L'Oréal UNESCO pour les femmes et la science a célébré son 20e anniversaire. C'était hier à Paris, dans les locaux de l'UNESCO. Et bien, ce prix a récompensé, comme chaque année, une scientifique de grande envergure par continent pour l'ensemble de sa carrière, Zoé. Oui, puisque si la création de ce programme, donc née en 98, la proportion des femmes engagées dans des carrières de la science a augmenté de 12%, les chiffres restent alarmants. Et donc, ce programme a toujours raison d'exister. Moins de 30% des chercheurs sont des femmes dans le monde d'aujourd'hui. Seuls 11% des hautes fonctions académiques sont exercées par des femmes et seulement 3% des prix Nobel leur ont été attribués. Alors, première étape pour tenter de changer la donne, c'est d'abord la reconnaissance. Il y a donc chaque année 5 lauréates, une par continent, qui sont couronnées pour leur contribution déterminante. Par exemple, cette année, pour l'Amérique du Sud, il y avait Amy T. Austin, professeure d'agronomie à l'Université de Buenos Aires. Alors, elle a été formée aux États-Unis, mais ça fait 20 ans qu'elle travaille notamment sur les écosystèmes de Patagonie. Et en 2006, elle et son équipe contribue de manière déterminante à comprendre le cycle du carbone en démontrant pour la première fois que le rayonnement solaire est le principal processus qui commande la perte de carbone dans les écosystèmes. La découverte très excitante que nous avons faite en Patagonie, c'est que le rayonnement solaire et la photodégradation jouent un rôle très important dans le cycle du carbone. Le soleil, quand il entre en contact avec les feuilles des arbres tombées au sol, libère une partie du CO2 que ces feuilles avaient accumulé. La théorie qui prédominait jusque-là, c'était que la décomposition biotique des microbes et de la faune dominait le cycle du carbone. C'est aussi vrai, mais c'est très important de comprendre qu'une partie de ce carbone retourne dans l'atmosphère grâce au rayonnement solaire. Et c'est une bonne chose, car sinon, il continuerait d'être accumulé dans les écosystèmes. Cette découverte du rôle que joue le rayonnement solaire dans ce cycle du carbone a été un tournant et peut changer la manière dont nous faisons nos prédictions. Pour vous donner un exemple, dans les écosystèmes très secs comme ceux de Patagonie, on se préoccupe souvent de savoir s'il va pleuvoir. Mais peut-être ce qu'il faut plutôt prendre en compte, c'est les changements de rayonnement solaire. Est-ce que le ciel est plus ou moins nuageux? Parce que c'est aussi ça qui modifie profondément le cycle du carbone. Plus il y a de soleil, plus l'écosystème va perdre du carbone et plus il va en relâcher dans l'atmosphère. Étant donné que l'activité humaine produit déjà beaucoup d'émissions de carbone, c'est une donnée qu'il faut vraiment prendre en compte. Et c'est là, sans doute, que se trouve l'une des applications la plus importante de notre découverte. Et depuis l'an 2000, le programme L'Oréal UNESCO accorde des centaines de bourses à des femmes scientifiques. Et chaque année, eh bien, il distingue parmi ses boursières 15 talents prometteurs internationaux. Oui, oui, parce que ce programme, il n'a pas cessé au cours de ses 20 ans d'existence de faire évoluer son action pour être de plus en plus pertinente. Cette année, par exemple, il y a une initiative intitulée « Les hommes s'engagent pour les femmes en sciences » qui va être lancée pour obtenir des leaders du monde universitaire masculin un engagement à encourager les chercheuses au moment les plus charnières de leur carrière. Autre levier, évidemment, soutenir ces chercheuses au début de leur parcours. C'est le rôle notamment de ces talents internationaux, de ces prix talents internationaux, qui tentent de valoriser des chercheuses qui travaillent aussi sur une meilleure présence des femmes comme objet de recherche. Parce qu'on le sait, il existe aussi bien une espèce de discrimination homme-femme sur la recherche, notamment sur les maladies cardiaques, sur la dépression, toujours une surreprésentation des sujets femmes. Toutes les femmes du globe ne sont pas non plus égales face à la recherche. La malaisienne Wang Ki-ho est statisticienne épidémiologique. C'est un des talents prometteurs internationaux de cette année et elle travaille à fournir des données pour mieux traiter le cancer du sein chez les femmes asiatiques. L'incidence du cancer du sein est beaucoup plus importante dans les populations caucasiennes que chez les Asiatiques. C'est sans doute l'une des raisons pour lesquelles nous, les Asiatiques, avons reçu si peu d'attention des chercheurs. Et c'est normal. Mais on sait que dans les 20 prochaines années, le nombre du cancer du sein va augmenter de 50% en Asie. Ça veut dire qu'il y a vraiment un besoin urgent d'agir et de développer des études génétiques adaptées. Parce qu'en dépit du fait que nous représentons une part importante de la population mondiale, il n'y a que 5% de toutes les études génétiques qui concernent les Asiatiques aujourd'hui. De plus, particulièrement en Malaisie, le taux de survie à 5 ans pour le cancer du sein est très bas, 49% contre 89% dans les pays caucasiens. Le défi aujourd'hui, c'est de trouver ces femmes avant que la maladie ne leur soit fatale. Je travaille donc à mettre sur pied des modèles qui peuvent identifier les femmes les plus à risque pour pouvoir proposer des mammographies régulières à ce public très ciblé. Car ici, les mutations du fameux gène BRCA ne sont responsables que de très peu de cancers. Qu'en est-il du reste? Nous disposons de plusieurs études qui ont identifié une centaine de mutations génétiques très communes dans la population malaisienne. Aucune de ces variations n'est responsable à elle seule du cancer du sein. Moi, ce que j'essaye donc de faire, c'est de combiner ces mutations génétiques dans différents modèles pour pouvoir répartir les femmes dans différents groupes à risque. En bref, le prix Abel de mathématiques a été décerné au Canadien Robert Langlands. Avec la médaille Fields qui n'est attribuée que tous les 4 ans. Et d'ailleurs, ça va être cette année, ce prix est l'équivalent du Nobel de mathématiques. Il a été créé en 2003 par la Suède pour pallier le manque d'existence de ce prix. Il récompense donc cette année le mathématicien canadien Robert Langlands. C'est le fondateur d'un programme qui porte son nom et qui vise à établir les liens entre la théorie des nombres et l'analyse harmonique depuis les années 60. Son projet a mobilisé des centaines de mathématiciens dans le monde. Aucun autre projet dans le monde des mathématiques modernes ayant une portée aussi si large a produit autant de résultats profonds et mobilisé autant de personnes. La ministre des Armées annonce un plan pour le développement de l'intelligence artificielle au profit, bien précisément, des armées françaises, Zoé. Annonce faite lorsqu'elle participait au lancement du projet Man-Machine Teaming chez Dassault Aviation à Saint-Cloud. Florence Parly a précisé qu'une cinquantaine d'experts supplémentaires en data science seraient recrutés pour mener à bien ce programme qui doit bénéficier essentiellement à l'aviation de combat, avec des investissements annuels assez importants de l'ordre de 100 millions d'euros. Voilà, et puis l'intelligence artificielle, ce sera bien le thème de notre table ronde samedi prochain, le 31 mars, dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne pour la troisième et dernière édition du Forum L'année vue par les sciences qui est consacré aux révolutions de l'intelligence. L'entrée est gratuite, mais il faut vous inscrire sur franceculture.fr ou maisondelaradio.com. Deuxième sujet cette semaine, les oiseaux des campagnes françaises disparaissent à une vitesse vertigineuse ces 3 dernières années. Mais qu'en est-il en Europe, Zoé? Largement reprise, détaillée cette semaine d'ailleurs sur le site de France Culture. 2 études concordantes du CNRS et du Muséum d'Histoire Naturelle parues mardi alertent sur cette chute vertigineuse des oiseaux comme l'alouette des champs, les perdrix. Une chute du population d'un tiers en moyenne sur 3 ans, qui va jusqu'à 90% en 3 ans seulement pour la tourterelle des bois. En cause, la monoculture et le développement exponentiel de l'agrochimie, depuis notamment la crise du blé dans les années 2010. Alors, sommes-nous le seul pays en Europe à connaître cet effondrement, particulièrement marqué ces 2-3 dernières années? Loin de là d'ailleurs, nous expliquait Romain Julliard, s'il est chercheur en biologie de la conservation au Muséum National d'Histoire Naturelle. C'est l'un des co-auteurs de l'une de ces 2 études et il travaille régulièrement à mettre au point des études à l'échelle européenne. n'a pas les chiffres avec la même actualité consolidée à l'échelle européenne. On est dans des systèmes qui sont assez lents à faire remonter ces informations, et ça c'est un vrai enjeu d'être dans le temps réel pour mesurer cette biodiversité, pour pouvoir être efficace en termes de politique et de prise de décision. Pour avoir partagé avec des collègues cette reprise du déclin des oiseaux et aussi des papillons, sur lesquels on a des chiffres un peu aux mêmes échelles, c'est quelque chose de partagé depuis le tournant des années 2010. Cela dit, on pensait qu'en France, on était un petit peu préservé de chiffres qui étaient de cette ampleur-là dans nos pays voisins, l'Angleterre, les Pays-Bas, l'Italie du Nord, dans lequel il y a des chiffres assez bien documentés, voire des disparitions à des échelles régionales, 95-98% des alouettes qui ont disparu. On ne pensait pas avoir ça un jour en France. Et ce qu'on a vu, on rattrape, entre guillemets, notre retard ou la forme de résilience qui est due aussi au fait que le modèle agricole français, il est un peu moins intensif, les exploitations sont en moyenne de plus petite taille que ces pays que j'ai cités. Malheureusement, on constate que entre dans une forme de norme. L'espoir quand même, c'est que tout ça soit réversible. On sait que le Danemark a une politique extrêmement ambitieuse en termes d'agriculture respectueuse de l'environnement depuis une vingtaine d'années, et ça paye. Il y a des quantités de biodiversité qu'on retrouve dans ces conditions. En bref, le dernier rhinocéros blanc du Nord est mort cette semaine, Zoé. Oui, c'était au Kenya. Il avait 45 ans. Il souffrait depuis longtemps de complications de santé liées à son âge. Et il a donc été euthanasié par l'équipe vétérinaire qui s'en occupait. Devenu le symbole de l'extinction d'une espèce à cause de la violence des hommes, Soudan était le dernier représentant de cette espèce de rhinocéros, l'une des trois présentes en Afrique. Son habitat naturel se situe entre le Soudan, le Tchad, la Centrafrique, région marquée par des conflits violents qui ont favorisé son braconnage. La planète naine Cérès abrite un monde qui est plus complexe que prévu. Les données de la sonde Dawn, qui est en orbite autour de Cérès depuis 2015, révèlent que cette planète naine est un corps dynamique qui continue d'évoluer, de changer. L'aspect de la surface de Cérès évolue en fonction de sa distance avec le Soleil. On a pu observer, notamment au niveau du cratère de Jungling, un phénomène de sublimation-condensation de l'eau qui est fréquent sur les comètes, mais qui est assez inattendu sur Cérès. Autre information, Dawn a repéré des quantités significatives de carbone de sodium hydraté sur la plus haute montagne de cette planète naine, ce qui suggère des évolutions géologiques récentes très importante. Et pour conclure, comme chaque semaine, par notre rubrique de science improbable, vous allez être beaucoup moins tranquille en avion grâce à vous, Zoé. Ça n'est pas pour des raisons de crash aérien. Et non, vous l'étiez peut-être déjà un peu parano, mais là, cette étude parue dans PNAS se penche sur cette fameuse question. Si vous êtes hypochondriaque, là, carrément, vous allez paniquer sur le niveau de contagion d'un malade dans l'avion. Les chercheurs sont montés à bord de 10 vols aux États-Unis. Ils ont repéré scrupuleusement les mouvements des passagers pour déterminer la probabilité d'infection, sur des infections comme la grippe ou le SRAS, avec des minuscules gouttelettes dans l'air et dans les surfaces. Alors déjà, bonne nouvelle, on s'est rendu compte que ça passe vraiment par la toux. Par exemple, sur les tablettes, on ne retrouve pas de traces de virus. Mais la conclusion est la suivante. Les passagers assis à moins d'une rangée et à moins de deux sièges latéralement du passager contagieux ont une probabilité d'au moins de 80% d'être infectés. Donc si vous avez un type qui tousse à côté de vous, de toute façon, c'est cuit. Pour tous les autres passagers, en revanche, la probabilité de la contamination était à moins de 3%. Donc là, ça va. Il faut vraiment faire un petit effort. En revanche, évidemment, les membres de l'équipage sont très dangereux. Ils peuvent infecter en moyenne 4,6 passagers par vol. Il est impératif qu'ils ne volent pas quand ils sont malades. Donc tout ça, c'est plutôt des bonnes nouvelles, parce que c'est peut-être un petit peu inférieur comme probabilité que ce qu'on pensait. Mais comme le dit le chercheur américain auteur de cette étude, on n'a toujours pas cette option. Cliquer sur trouver un siège à au moins 3 sièges de distance d'une victime de la grippe pour les compagnies aériennes, c'est dommage. Voilà, et ça, du coup, maintenant permet de réévaluer les risques dans les transports en commun. Donc bon courage tout à l'heure quand vous rentrerez chez vous. Merci beaucoup Zoé, à la semaine prochaine. Merci à vous. La méthode scientifique, Nicolas Martin. C'est donc un bel et bon paradoxe qui nous amène aujourd'hui à aborder la science-fiction japonaise, à savoir la réappropriation par l'industrie cinématographique américaine de l'un des piliers de la SF nippon depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les monstres et les robots géants, avec Pacific Rim Uprising de Steven DeKnight, suite du film du même nom qui était lui réalisé par Guillermo del Toro. Et bien Hollywood s'empare donc du kaiju Eiga, littéralement film de grand animal étrange, genre qui a donné lieu à d'innombrables films, mangas, animés, littérature, de l'exploitation la plus kitsch à quelques chefs-d'œuvre, notamment à la fin du siècle dernier. Pour en parler, nous sommes avec Marie Pruvot Delaspre, qui est enseignante chercheuse à l'université de Vincennes-Saint-Denis, docteur en études cinématographiques spécialiste de l'animation japonaise, et Tony Sanchez, traducteur de manga, responsable de la collection de l'actualité BD chez ActuSF. Alors pour commencer, peut-être, ce n'est pas en fait la première fois que l'industrie hollywoodienne essaye de s'emparer de ce genre, mais on note depuis quelques années un effort qualitatif par rapport à ce qui a été tenté jusqu'à présent, Tony Sanchez. Effectivement, il y a eu quelques films qui n'étaient pas forcément très réussis, notamment une des premières adaptations de Godzilla qui n'était pas... Par Roland Emmerich, effectivement. Et qui était assez raté parce qu'en fait, il essayait de se servir en fait de la franchise pour faire autre chose, parce que le Godzilla de Roland Emmerich n'est pas du tout un kaiju ega avec les canons classiques du genre. Il ne répond absolument pas au code du genre qui ont lieu depuis le premier Godzilla De Honda. De Honda, et effectivement, c'était autre chose. Marie Pruvot de Laspre, ces nouveaux films, Pacific Rim, le Godzilla de Gareth Edwards aussi, qui est sorti quelques années, il y a 2 ans, je crois, sont des films qui respectent plus la tradition culturelle japonaise. Oui, je crois qu'ils reprennent des éléments qui étaient peut-être un peu perdus en route, et c'est assez intéressant de voir que le Pacific Rim de Guillermo del Toro a été dédié à Ichiro Honda et Rei Harryhausen, donc à la fois le réalisateur de Godzilla de 54 et ce grand maître des effets spéciaux américains. Peut-être pour revenir en fait finalement à la source, qu'est-ce que c'est que le kaiju Ega? Quand est-ce que ça apparaît et quels sont précisément ses codes? Qui veut y aller? Marie Pruvot de Laspre. Oui, on parlait de Godzilla, c'est vrai que c'est complètement incontournable. Godzilla est vraiment un peu le film qui lance le genre. Il est justement donc réalisé par Ichiro Honda avec l'aide de Eiji Tsuburaya, qui est un petit peu le Harryhausen japonais, qui s'occupe donc des effets spéciaux et qui va par la suite être un peu aussi le maître d'œuvre, alors bien sûr de tous les films de monstres géants de la Toho, mais aussi des premières séries tokusatsu, donc les séries à effets spéciaux, et en particulier Ultraman, qui transpose en fait le récit de Godzilla, enfin l'idée de combattre des monstres géants vers la science-fiction encore plus poussée. Plus classique. Tony Sanchez, un mot sur ce kaiju Ega, d'où ça vient? Pourquoi est-ce que ça apparaît dans les années 50? Pourquoi est-ce que ça a ce succès-là auprès de la population japonaise? De quoi ça parle en fait? En fait, ça parle essentiellement de tout l'imaginaire de la catastrophe au Japon. Et après la Seconde Guerre mondiale et les bombardements de Hiroshima et Nagasaki, et où effectivement donc Godzilla c'est un peu un effet cathartique pour les Japonais vis-à-vis donc des bombardements américains. Parce qu'il est réveillé, il faut le rappeler, film original, il est réveillé par les explosions nucléaires et par la catastrophe d'Hiroshima et Nagasaki. Le lien est fait directement dans le premier film. Absolument, et on a aussi cette reprise de l'incident des bikinis, donc de l'essai nucléaire américain qui va infecter les pêcheurs japonais du Lucky Dragon No. 5, et qui réapparaît d'une certaine façon aussi d'ailleurs dans Pacific Rim, puisqu'on voit également des pêcheurs infectés par une contamination nucléaire. C'est intéressant parce que finalement Godzilla, on imagine aujourd'hui que c'est le premier monstre géant, or pas du tout. Historiquement, le premier monstre géant, il est plutôt américain, c'est King Kong en 1933. Qu'est-ce qui fait d'un seul coup qu'avec Godzilla, il se passe quelque chose dans la culture japonaise qui devient vraiment un point d'ancrage culturel extrêmement fort et qui va du coup essaimer pendant des années et des années, à votre avis, Tony Sanchez? Tout simplement, c'est tout cet imaginaire lié à la Seconde Guerre mondiale et aux effets et du nucléaire. Et parce qu'au Japon, il faut savoir que le nucléaire civil et le nucléaire militaire sont, y a deux termes différents pour le désigner. Et ça a eu un impact assez important, effectivement, sur... Sur la culture et sur la culture de l'imaginaire collectif. On peut noter d'ailleurs qu'en japonais, Godzilla, ça emprunte à King Kong, parce que je crois que, vous pouvez me le dire, vous le direz mieux que moi, certainement, Marie Pruvot de Laspre. Gorilla, ça veut dire gorille. Oui, alors on pense que Godzilla, ça veut dire baleine. Voilà, c'est une sorte de mot valise qui reprend ces deux termes, et c'est pas spécialement étonnant, puisque Tsuburaya, que j'évoquais tout à l'heure, était très inspiré par Harryhausen, qui avait été un des maîtres d'œuvre de ces films d'effets spéciaux américains. Donc la filiation est tout à fait évidente de ce côté-là. Il faut dire aussi peut-être que le monstre au Japon n'est pas tout à fait vécu de la même façon que le monstre en Occident. C'est deux traditions très différentes, notamment pour des raisons peut-être religieuses. Effectivement, en fait, le monstre au Japon, le japonais vit avec, dans son environnement, les monstres sont font partie du quotidien. Alors que en Occident, le monstre va être considéré comme un danger systématiquement. Alors qu'au Japon, ça va être un peu plus ambivalent. Ça peut être un danger, mais c'est une représentation de la nature en fait. C'est intéressant cette représentation de la nature parce que c'est vraiment la nature dévoyée par le nucléaire qui est incarnée par ce premier des monstres géants qui est Godzilla. Oui, et c'est tout à fait récurrent dans tous les films qui vont suivre, c'est-à-dire qu'effectivement ces monstres ce sont des rappels de ce que l'homme fait à la nature et c'est pas par hasard qu'il détruit des villes, il détruit aussi ce que l'homme a construit et qui est venu empiéter sur la nature et ça s'inscrit dans le contexte du Japon des années 60 qui est un Japon qui se reconstruit, qui s'urbanise énormément et qui perd en grande partie sa connexion avec la nature. Et avec les esprits animistes, hein, la culture animiste qui est la culture japonaise. Alors ça, ces monstres géants, ça va vraiment fleurir très très abondamment. D'ailleurs très vite même, Godzilla devient une figure positive dans le cinéma japonais. Tout à fait. Par la suite, dans de nombreux films consacrés à Godzilla, il va défendre donc le Japon de menaces extérieures. Et il va prendre tour à tour cet aspect positif et négatif à l'image finalement de ce qui peut se passer dans la nature, qui peut avoir ses bienfaits. L'eau a des bienfaits. On a vu lors de Fukushima que ça pouvait aussi avoir des aspects très négatifs. Il y a d'emblée, vous diriez dans ces monstres géants. Alors on parle de Godzilla, on pourrait en citer plein d'autres. On peut citer Mothra, King Ghidorah, Rodan qui est un grand ptérodactyle. Il y a d'autres studios qui se lancent dans une tortue nucléaire qui s'appelle Gamera. Il y a vraiment une mythologie complète, un univers total de monstres géants qui vient peupler l'imaginaire japonais. Jusqu'à quand à peu près? Alors c'est vraiment les années 50 qui constituent les débuts du genre et ça fonctionne très bien. Donc effectivement, après les premiers succès de la Toho, d'autres studios comme la Daiei vont aussi se lancer dans l'aventure et ça marche bien dans toutes les années 60 également où apparaissent justement des versions en série télévisée et en fait ça n'a jamais vraiment cessé, hein. C'est-à-dire qu'on continue en fait à faire des films des Kaiju Ega au Japon aujourd'hui. Et ces Kaiju Ega sont tantôt des films catastrophes, tantôt des films comiques, c'est-à-dire que finalement on trouve une sorte de variété immense dans le registre cinématographique. Effectivement, il y a une dimension parodique aussi, un retour sur de la dérision en fait sur leur propre histoire. Sur leur propre créature, oui. Marie Prouvot de Lastre. Oui, et c'est amusant aussi de voir comment la reprise de toutes ces créatures s'enrichit justement de toutes ces couches de lecture. Je suis en train de penser au Godzilla réalisé par Hideaki Anno, qui est quelqu'un qui a toujours été passionné par ce type de cinéma et qui le reprend. Alors le film en lui-même n'est pas parodique, mais Anno a vraiment cette espèce de vision assez ambivalente d'un genre qu'il adore et en même temps qu'il peut aussi avoir tendance à moquer ou dont il montre aussi les faiblesses ou les ambivalences. Et étonnamment, ce cinéma-là s'exporte très très peu, hein. Il y a une grosse production cinématographique, mais il s'exporte un petit peu, mais ça prend pas du tout en Occident. On en voit peu, oui, en fait. On n'a pas idée, je crois, depuis l'Europe, de la quantité de films et de séries qui sont produites dans ce genre. On en voit une portion minuscule. Oui, le dernier Godzilla en date, d'ailleurs, était de 2016, je crois, ou 2016, hein, si je ne m'abuse. Et pas celui de Gareth Edwards, hein, le Godzilla japonais. Le Godzilla japonais, donc ça n'a pas du tout de retour par ici, en fait. Vous diriez que cette difficulté à exporter cette culture du Kaiju Eiga, elle est liée peut-être en partie, et on va voir que ça se retrouve beaucoup chez les mégas, parce qu'il y a quelque chose d'une valorisation très nationale dans ces monstres, c'est le Japon contre l'étranger ou contre l'agression extérieure. C'est vrai que c'est des films qui parlent vraiment du Japon, qui parlent vraiment du Japon de l'après-guerre, des questions qu'il se pose, des problèmes auxquels il est confronté. Et de ce point de vue, quand on regarde la version qui a été faite pour les États-Unis de Godzilla, Godzilla King of the Monsters, on voit bien que tout ce qui a été tout ce qui est enlevé relève de la critique contre les États-Unis ou contre la nouvelle organisation du monde. Et on a ajouté un personnage américain pour servir de relais au public. Et c'est assez amusant parce que le Godzilla de Roland Emmerich, donc, qui est à la fin des années 99 de mémoire, quelque chose comme ça. Bon, peu importe l'année exacte, qui est un Godzilla assez raté d'autorité publique, qui est une forme de dinosaure qui ressemble à Jurassic Park dans New York. On perd le côté titanesque et tous les codes du Kaiju Eiga. Finalement, le Japon le récupère dans sa mythologie. Oui, tout à fait. Et je crois que ça fait partie du génie du cinéma japonais d'être capable de brasser toutes ces références, de les récupérer fait, et c'est vrai pour la plupart de ces productions, elles ont fait des allers-retours, et les Japonais sont très intéressés aussi par la façon dont ces personnages sont vus et dont on peut les intégrer à la logique combinatoire de ces monstres. Alors ça, c'est une chose, c'est pour la partie monstre géant, destruction des villes, et de l'autre côté, il y a un autre pan de la SF japonaise qui se développe d'ailleurs à peu près en même temps, notamment après la Seconde Guerre mondiale, c'est autour de la figure du robot. Ces premiers robots japonais, avant de devenir géants, ils sont aussi marqués profondément par la bombe nucléaire. Oui, absolument. On peut parler d'Astro Boy, qui est justement un robot qui, à la fois, est censé venir comme une sorte de sauveur quasiment de l'humanité et qui, en même temps, se pose beaucoup de questions sur sa nature de robot. Vous pouvez nous dire un mot, Tony Sanchez, d'Astro Boy? Astro Boy, c'est le premier robot en tant que tel, donc après-guerre aussi. En 1951. En 1952, exactement. 52, pardon. Par Osamu Tezuka, et il a voulu comme un miroir en fait de nos peurs, de nos doutes, et du Japon qui se découvre une nouvelle partie d'existence aussi avec l'après-guerre, l'occupation américaine, et le fait que ça appelle un nouvel... Racontez-nous déjà peut-être le titre original, c'est intéressant. C'est Tetsuan Atom. Donc. C'est le nucléaire, c'est-à-dire qu'il fonctionne au nucléaire. Il a une pile atomique qui lui permet effectivement de fonctionner. C'est le mythe de Pinocchio, grosso modo, Astro Boy. C'est un Pinocchio revu à l'ère nucléaire, en quelque sorte. C'est un peu ça. Sauf qu'il se trouve quand même rejeté par son père, malheureusement. Puisque le père l'a construit à la place de son fils qui était décédé et il n'a pas su le garder, mais il y aura quand même une partie d'espoir puisque il va finalement servir l'humanité et aider les gens en difficulté. C'est un héros évidemment très très positif. C'est intéressant aussi parce que avec le développement des robots, il y a aussi, et c'est quelque chose d'important dans ce Japon d'après-guerre, un besoin, une volonté de se réapproprier la technologie. La technologie, ça n'a pas permis de gagner la guerre, donc il faut d'un seul coup la réinvestir en quelque sorte, Marie Prue. Oui, je crois que c'est très important symboliquement de reconstruire effectivement des héros pour ce Japon qui est en pleine reconstitution, et c'est aussi une façon en effet de s'emparer de quelque chose qui a été laissé, c'est-à-dire qu'en fait c'est Anne Allison dans Million and Monsters qui évoque cette idée qui est assez belle, que finalement les Américains ont cherché à transformer les usines d'armement japonaises en d'autres activités, donc on a construit des jouets en fer blanc dans ces usines, et dans ces usines étaient fabriqués donc beaucoup de jouets robots, des voitures, mais aussi des robots. Et donc elle associe en fait cette image à l'idée du robot qui participerait à la reconstruction, symboliquement mais aussi de façon très pratique, parce que ça devient une activité économique forte et ces jouets sont exportés aux États-Unis. Peut-être le robot va augmenter en taille. Est-ce qu'on peut dire, ou est-ce que c'est deux choses très différentes? Avec Godzilla va arriver un personnage qui est un personnage très célèbre au Japon, qui est Ultraman. Alors Ultraman, on n'est pas encore totalement dans ce qu'on va appeler le mecha, c'est-à-dire un robot géant. Qu'est-ce que c'est qu'Ultraman, Tony Sanchez? Ultraman, c'est plutôt un androïde. Donc une sorte de mélange de cyborg, de... Ben voilà, de cyborg, enfin bon, voilà, qui peut prendre une taille gigantesque effectivement pour combattre les monstres géants extraterrestres. Mais c'est Ultraman, c'est un extraterrestre aussi, c'est-à-dire que c'est pas un japonais. C'est une entité extraterrestre qui prend possession. On va retrouver ça beaucoup dans toutes les séries de type Bioman, avec des gens qui se transforment en robots. Donc on n'est pas encore complètement dans le méca néanmoins. C'est pas encore tout à fait le robot géant, et on va voir que le robot géant amène avec lui un fond symbolique beaucoup plus important. Oui, mais je crois que justement la transformation, elle est importante, hein, le fameux Enshin, et tout ce que ça va amener en termes de possibilités plastiques et narratives, et ça dans Ultraman c'est central, parce que précisément il y a cette séquence de transformation du personnage qui devient Ultraman et qui est un peu fondatrice pour toutes les scènes qu'on connaît bien de transformation du héros qui devient super-héros à travers sa machine. Dans les séries qu'on connaît peut-être un peu mieux en France, il y avait Spectreman, qui est le premier importé, qui effectivement reprend ce modèle de transformation du héros en... En créature de type cyborg ou de type androïde, et avec d'ailleurs souvent, et dès le début, et dès les Kaiju Ega, et dans Spectreman par exemple, mais aussi dans Ultraman, beaucoup de préoccupations environnementales et écologiques aussi, qui est vraiment un des piliers de cet univers de science-fiction, d'anticipation. Il faut sauver la nature, il faut sauver le climat. Oui, absolument, c'est central dans la plupart de ces récits, à la fois parce que on constate des destructions, mais aussi parce que d'une certaine façon, ces créatures, elles viennent nous rappeler à quel point on a un impact sur notre environnement, et donc elles sont à double détente d'une certaine façon. Le premier vrai méca géant, il s'appelle Tetsujin 28, et c'est pas encore un robot qu'on pilote, c'est pas encore un robot qui se bat contre des monstres géants, mais là on a quelque chose qui va devenir aussi quelque chose d'important dans cette mythologie du méca, c'est le rapport entre l'enfant et le robot. À vous, Marie Prouveau de l'Aspre. Oui, tout à fait. C'est donc une sorte de phase intermédiaire, hein, d'une certaine façon. On a un robot géant, mais qui est piloté de l'extérieur. Et peut-être que ce qui est important aussi dans Tetsujin, c'est l'idée d'attribuer une sorte de... Enfin, c'est vraiment un personnage, en fait, le robot. Il a cette caractérisation très forte qui, je crois, est importante aussi dans l'œuvre de Go Nagai. Vraiment, les robots ont une place. Il y a un lien qui se crée entre l'enfant... C'est souvent des enfants, d'ailleurs. Il y a eu beaucoup de très jeunes gens, qui crée un lien affectif avec la machine, qui en prend une dimension humaine finalement qu'elle n'a pas forcément au départ, parce que le Tetsujin 28, il est radiocommandé finalement. Mais le nom a été prononcé Go Nagai, puisque bien sûr le robot augmente en taille, il finit par être piloté pour arriver aux proportions que l'on connaît. C'est vers la fin des années 70, Go Nagai est un mangaka qui va fixer sur papier et puis en série animée le mecha, le prototype du robot géant, et celui qu'on connaît en France, c'est bien sûr Goldorak. Alors, on connaît bien sûr Goldorak, puisque Goldorak, c'est aussi la première fois que cette mythologie du mecha s'exporte hors du Japon. Or, il faut replacer Goldorak dans son contexte. Goldorak n'est pas du tout le mecha le plus célèbre au Japon. Goldorak est la troisième partie d'une série qui commence par Mazinger Z. Et Mazinger Z, pour le coup, on est en 72, c'est Go Nagai. Et c'est vraiment le début des mythes du mecha et du robot géant. Oui, il a une place... absolument centrale dans cette histoire, et l'adaptation que la Toei va faire des mangas de Nagai est aussi importante pour sa diffusion, en particulier évidemment en France, puisque c'est le dessin animé qui nous arrive en premier lieu. Et donc Nagai met en place un certain nombre d'éléments qu'on va retrouver par la suite, donc évidemment les éléments d'antagonisme, le robot comme élément central pour se battre contre les envahisseurs, en l'occurrence des gens qui envahissent la Terre également. Et tous ces éléments vont être reconfigurés par la suite sous différentes formes. Est-ce que dans le Kaiju Ega ou dans le manga de Mecha, est-ce qu'on peut dire qu'on est vraiment dans la science-fiction au sens où on l'entend dans le développement de la SF occidentale, qui se saisit pas vraiment de ces histoires de robots géants? On n'en trouve pas énormément dans la SF anglo-saxonne, française. Est-ce que c'est de la SF, Tony Sanchez? Oui, c'est de la SF, mais il y a une dimension visuelle qui est quand même très importante, parce que dans la littérature de science-fiction japonaise à la même époque, on ne retrouve pas de robots géants en tant que tel. C'est vraiment apparu avec le manga et donc les déclinaisons en dessin animé. Quels sont justement alors les fondements que Go Nagai inscrit de cette mythologie du méca? Il y a un certain nombre de points qui sont à peu près toujours les mêmes, notamment le fait que la technologie, elle n'est jamais ou très peu terrienne. Pour commencer, c'est souvent des monstres qui viennent de l'espace et on se sert de la technologie extraterrestre pour lutter contre eux-mêmes. Oui, absolument, et c'est un peu cet élément qui avait frappé quand Goldorak est arrivé en France, à la fois ce robot qui vient d'un autre monde, comme le rappelait le générique français, et en même temps qui va servir à défendre la Terre, puisque tout le but va être d'empêcher les extraterrestres de faire de la Terre ce qu'ils ont fait avec les autres planètes. Donc c'est vraiment ce personnage qui se trouve entre deux mondes et qui joue presque un rôle d'intermédiaire, d'une certaine façon. Entre le Japon et l'étranger au sens large du terme. Là aussi, il y a beaucoup, et dans ces robots géants, quelque chose d'un peu de l'exaltation nationale, le Japon contre le reste du monde, Tony Sanchez. Contre, je ne sais pas, ou se protège plutôt avec, mais il y a un côté effectivement de... On veut imposer sa façon d'être et son identité, mais pas de manière non plus trop, entre guillemets, violente, parce qu'il y a dans ces dernières années avec le Cool Japan, etc. Donc la volonté de diffuser un peu la culture japonaise. Mais via tous ces aspects culturels. Donc ça ressort aussi, c'est-à-dire cette envie à la fois de garder pour soi les choses, mais aussi de les partager. Il y a quelque chose de très... on disait tout à l'heure, le Kaiju Ega, les monstres géants empruntent à quelque chose de la tradition animiste. Il est impossible de ne pas voir ces robots géants comme des armures de samouraï, pour le coup. Oui, tout à fait. Ils ont été très largement rapprochés de cette origine qui est assez évidente quand on prend les casques en particulier de samouraï. Et il y a finalement toute une construction là aussi combinatoire de ces robots qui reprennent à différentes sources et qui permettent d'en faire aussi ces objets à la fois originaux et tellement ancrés dans l'imaginaire japonais. Comment est-ce qu'on explique aussi ce qui était déjà le cas beaucoup avec les Kaiju Ega, mais vraiment cette esthétique de la destruction, hein, on dit vous connaissez certainement la plaisanterie en disant dans un combat entre un monstre géant et un robot géant, qui est-ce qui gagne? Eh bien, c'est l'entreprise de BTP qui a construit la ville derrière. Il faut casser des immeubles, il faut que ça tombe, il faut qu'il y ait des explosions. Ça fait vraiment partie du plaisir central du lecteur et du spectateur après. Ah oui, il y a un plaisir de la destruction qui est à la fois qui existait déjà, hein, justement dans les séries tokusatsu à effet où on détruisait des maquettes à foison, et effectivement toute l'œuvre de Gonagai reprend aussi ces éléments avec des scènes de destruction très massives qui d'ailleurs alternent aussi avec des scènes très bucoliques où on est dans la campagne. On regarde le soleil couchant après à la fin, hein, souvent à la fin l'épisode se termine sur le soleil qui se couche sur le mont Fuji en attendant la prochaine attaque. Tony Sanchez. On constatera d'ailleurs que les villes sont systématiquement reconstruite et très rapidement, et ça touche aussi justement à l'après-guerre, après Seconde Guerre mondiale, il me semble, parce que effectivement il y a la reconstruction et le Japon est finalement en constante reconstruction avec les tremblements de terre, les typhons, différentes catastrophes naturelles. Il y a une constante construction et donc une certaine résilience vis-à-vis des événements, des catastrophes. Ça pourrait faire partie un peu de cette dimension politique nationale. On va pas dire nationaliste parce que c'est peut-être un mot un peu trop fort, mais en tout cas nationale, en disant quelles que soient les vagues d'attaques qui arrivent sans cesse sur nos côtes, nous reconstruisons toujours, nous nous relevons toujours, ce qui évidemment rappelle, comme vient de le dire Tony Sanchez, l'histoire de la deuxième moitié du XXe siècle. Bien sûr, je crois qu'il y a un discours qui est tenu sur l'histoire du Japon, qui est très forte dans ses productions et qui est peut-être aussi assez ambivalente, parce qu'effectivement il s'agit de montrer qu'on reconstruira toujours, mais il y a aussi cette idée qu'il faut détruire pour refaire quelque chose de mieux, et il y a une permanence de la destruction qui laisse entendre aussi dans d'autres œuvres qui sont pas forcément dans le genre du mecha, mais je pense à des œuvres comme Akira qui viennent vraiment dans l'idée que Tokyo est devenue une ville monstrueuse et qu'il faut la détruire parce que en fait il n'y a pas d'autre solution pour en faire quelque chose de meilleur. Il y a aussi une structure narrative qui est à peu près, Tony Sanchez l'évoquait tout à l'heure, à peu près systématique à ce genre du mecha ou du roboto animé, hein, c'est ce que ça devient, avant d'en évoquer tout à l'heure les suites et les conséquences commerciales qui sont très importantes et qui vont certainement contribuer au succès du genre, c'est entre les personnages on est toujours dans une sorte de relation triangulaire qui est très propre aussi certainement à une forme de construct social japonais qui est assez étranger à l'Occident. C'est le jeune héros, son père autoritaire mais une figure d'autorité positive, et le robot géant qui est le transfert du petit garçon dans un corps d'homme, d'adulte puissant. Oui, c'est difficile de pas faire un peu de psychanalyse là-dessus. Oui, alors ça parle effectivement aussi du fait de devenir adulte, hein, d'une certaine façon, et cette translation d'un corps à l'autre, elle parle aussi du fait de passer d'un corps d'enfant à un corps d'adulte. Et c'est clair que une grande partie des questions qui se posent dans ces récits sont aussi de l'ordre de construire sa propre responsabilité et de dépasser l'autorité du père. Neon Genesis Evangelion pour ça. On va en reparler dans un instant. Il y a quelque chose aussi qui nous échappe peut-être un peu et qui est assez intéressante chez Gonagai, parce que nous on a connu évidemment la version de Goldorak, etc. C'est que dans le manga de Gonagai, c'est un manga qui est hyper sexualisé, et ça c'est une partie qui échappe souvent quand on voit ces robots animés ou cette série, ou même dans les monstres ou dans un certain nombre, dans Devilman, etc. Gonagai a plutôt une réputation assez sulfureuse au Japon. Tony Sanchez. Effectivement, il est assez il aime dessiner les femmes avec des formes très très plantureuses. Voilà. Mmh. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est complètement passé sous silence dans les adaptations animées. Bon, il y a peut-être aussi une volonté de justement de correspondre à un public plus large. Mais il y avait d'autres séries comme Katie Honey par exemple où c'était beaucoup plus mis en avant. Il y a évidemment un des codes pour en finir avec cette période Gonagai qui est un code important que toute personne qui aura vu un petit bout de Goldorak, de Mazinger Z ou des mechas ou du roboto animé sait, c'est que évidemment le pilote ne se contente pas d'appuyer sur des boutons pour utiliser ses armes, il faut les nommer. Je leur interdis d'occuper le moindre pouce de terrain de la planète bleue. Missile Gamma. Mégavol. Planitron. Voilà, avec cette bande originale de Goldorak, la pédale Wawa sur fond de cuivre. Peut-être un mot pour comment est-ce qu'on explique d'un seul coup le succès international de ces séries de robotos animés? Pourquoi est-ce que d'un seul coup, alors qu'avec le Kaiju Ega, c'était vraiment au pire de la série Z qui était vraiment passée en fin de soirée, là, d'un seul coup, il y a vraiment une résonance internationale en Europe, mais aussi aux États-Unis, à tel point que les États-Unis et Hasbro va vouloir faire la même chose et décalquer la leçon en faisant les Transformers? C'est une surprise, hein. Ça arrive complètement par accident, Goldorak en France et en Italie à peu près à la même période. D'ailleurs, la direction de la télévision française à l'époque n'est pas du tout contente de voir arriver ces séries qu'elle trouve trop violentes. Enfin, on se rappelle de tous les débats qu'il y a pu avoir, mais je pense qu'elle montre des choses qu'on n'a tellement jamais vues à la télévision française dans les émissions pour enfants, qu'il y a une forme d'attraction absolument irrésistible à la fois de la nature des thèmes qui sont abordés, du réalisme aussi parfois avec lequel certains points psychologiques sont montrés. Enfin, c'est très dur parfois aussi Goldorak dans la façon dont ça montre la difficulté de la relation aux autres. Et ça ne pouvait être que fascinant d'une certaine façon pour un public qui voyait jusque-là Bonne nuit les petits. C'est un marché colossal, hein, on le disait, le merchandising est gigantesque, le marché est inondé de jouets, de déguisements, je peux vous en parler. Et d'un seul coup, ça devient une formule financièrement intéressante aussi pour les vendeurs de jouets, notamment, on parlait d'Hasbro, Tony Sanchez. Hasbro, effectivement, ouais. Transformers, à l'origine, c'est une gamme de jouets qui a été déclinée en dessin animé pour vendre les jouets. Pour avancer un peu dans le temps, donc on est sur une forme sérielle très classique, hein, tous les épisodes se ressemblent à peu ou prou, et puis à un moment donné, d'un seul coup, certains mangakas vont commencer à récupérer le genre pour l'approfondir, pour le densifier, pour le rendre plus adulte aussi. Quel serait, selon vous, l'un et l'autre, le moment où d'un seul coup on commence à obtenir une œuvre qui devient une œuvre plus seulement à destination des enfants, mais une œuvre de science-fiction un peu plus dense, un peu plus travaillée, avec des thèmes parfois un peu plus profonds, selon vous, Marie Pruvot de Laspre? Je crois qu'il y a une première étape qui est Gundam, qui va être une des franchises qui va apporter justement peut-être une réflexion plus profonde sur ce que ça veut dire pour des très jeunes pilotes de s'engager dans des guerres. Dans Gundam, il y a vraiment quelque chose de l'enfant très soldat. Voilà, travailler sur cette idée d'envoyer des jeunes adolescents faire la guerre, et ça va être poursuivi par la suite. Moi, j'évoquais Genesis Evangelion, qui est évidemment, une série qui va complètement reprendre à son compte ce questionnement et le pousser psychologiquement très très loin en faisant le cœur de cette... C'est ça. On va revenir sur Evangelion et sur Evangelion. Quand j'essaie d'expliquer à quelqu'un ce qui n'a pas vu Evangelion ce que c'est que je dis que c'est une sorte de Goldorak en mauvaise descente d'acide. C'est très très noir et très violent, très brutal. Peut-être avant un mot sur Robotech tout de même, qui là pour le coup déploie un vrai univers de space opéra beaucoup plus classique, très dense, très touffu sur des années et des années de séries. Tony Sanchez. Alors effectivement, le Robotech par contre qu'on connaît dans nos contrées est une adaptation américaine, donc qui mélange un peu la série japonaise originale en faisant une gloubi-boulga. pas très respectueux de l'œuvre originale. Mais effectivement, on a la dimension space opéra, le côté très foisonnant de l'univers. Et surtout, ça reprend le côté un peu réaliste des mechas. C'est-à-dire, et expliquez-nous parce un peu, quand on ne connaît pas Robotech, de quoi s'agit-il? Pourquoi est-ce que d'un seul coup, ça prend effectivement une ampleur narrative? Donc, ce sont les mêmes choses, des jeunes gens qui sont confrontés à la guerre contre des extraterrestres et qui vont se retrouver à piloter des avions de chasse, mais qui se transforment effectivement en robots. Et on retrouve donc toute cette dimension, mais un peu plus réaliste. Au contraire de Mazinger ou de Goldorak. Le trait est plus réaliste. Hein, le dessin réaliste, est beaucoup plus réaliste. Plus réaliste, mais la façon de traiter les machines aussi. Un mot sur Robotech, Marie Prévost-Delaspre, où effectivement, d'un seul coup, c'est peut-être le point de passage, parce qu'on est au tout début des années 80, pour le coup. On est encore en pleine effervescence Gonagai. Oui, et je crois que justement, cette question du réalisme, elle est intéressante, parce qu'on tombe aussi dans ce moment où la machine devient tellement centrale dans ces récits qu'on en est presque à vouloir la décortiquer, en montrer tous les mécanismes, et il faut vraiment que ça devienne des machines qu'on pourrait quasiment construire. Et je crois qu'une partie du plaisir de ces séries vient aussi de cet extrême travail sur les machines et sur leur fonctionnement. Il y a aussi, avec Robotech, on est dans le space opéra, donc vraiment dans la SF intergalactique, avec, ça passe autour de Pluton dans le système solaire. Bon, on va vous mettre des liens pour développer un peu. Il y a un autre versant, qui est le versant peut-être un peu plus réaliste, avec Pat Labor, qui arrive aussi à la fin des années 80. Vous pouvez nous en dire un mot, Tony Sanchez, de Pat Labor? Pat Labor, c'est une série qui met en scène donc d'un groupe de policiers qui utilisent donc des mécas pour combattre le crime. Et là, on est vraiment, le robot n'est pas au centre, ce sont vraiment les pilotes. Et on voit la vie quotidienne des pilotes, la façon dont ils gèrent les pannes. Il y a beaucoup de pannes dans Pat Labor. Oui, pendant les combats, les robots tombent en panne régulièrement parce qu'ils n'ont pas de budget, qu'ils n'arrivent pas à les réparer donc à temps. Le manque de moyens aussi qu'on peut rencontrer régulièrement. Il y a vraiment un côté réaliste et vie quotidienne, tranche de vie quotidienne de pilotes de méca. Donc, à la fois le côté réaliste et le côté un peu... Fini les périls extraterrestres, les monstres hybrides. Là, c'est le méca comme finalement, on arrive dans presque de l'anticipation en quelque sorte. Absolument, et ça réintroduit, je crois aussi, quelque chose qui est de l'ordre du politique en fait dans ces productions, puisque tout d'un coup, il s'agit vraiment de s'interroger sur la place qu'on pourrait donner à ces machines dans notre vie et dans la façon dont on encadre la société. Et c'est très inquiétant, Pat Labor, de ce point de vue, parce qu'on peut effectivement s'imaginer que ça pourrait être une des évolutions possibles de la police. Et il faut dire, effectivement, vous l'avez évoqué tout à l'heure, Marie Prévost-Delaspre, il y a un manga qui fait la jonction, en tout cas qui est une sorte de pivot avec un avant et un après, c'est Akira, qui est un manga post-apocalyptique, qui est un manga extrêmement noir, très adulte, très sombre, très brutal. Et finalement, Akira va entraîner dans son sillon cette mythologie plutôt positive des mechas pour arriver à quelque chose de plus sombre, de plus torturé, de plus complexe. Oui, et c'est une autre génération aussi qui arrive aux commandes, entre guillemets, de ces nouvelles productions et qui, effectivement, n'ont plus forcément cette vision très positive, voire positiviste que pouvait avoir quelqu'un comme Tezuka, qui croyait vraiment en la science et qui croyait en l'avenir de... Tezuka, c'est Astro Boy. Hein. Oui, pardon, pour Astro Boy. Et donc, effectivement, dans les années 80, on arrive avec des gens comme Otomo qui ont une lecture en effet très sombre et aussi très politique des évolutions possibles de ces visions. Et qui correspond aussi, Tony Sanchez, peu, oui, effectivement, aux soucis économiques qu'il y a pu y avoir à la fin des années 70, début des années 80, où la période de prospérité économique se termine et les lendemains s'annoncent moins radieux. Moins faste. Moins faste. Et effectivement, ça entraîne toute une SF, toute une anticipation très sombre et sur des lendemains qui déchantent finalement. Ce qui nous amène, évidemment, quand on parle de lendemain qui déchante et de robots géants, on ne peut que penser au chef-d'œuvre d'Hideaki Anno, Evangelion, qui est une série qui est diffusée au Japon entre 1995 et 1996. Et comme je le disais, le public le reçoit comme une claque. C'est un univers extrêmement noir, très retors, aux frontières du sadisme avec ses personnages. Pour vous dépeindre le décor, eh bien en fait, c'est exactement le principe de Gonagai, c'est-à-dire que il y a des extraterrestres qui arrivent. On est déjà dans un futur post-apocalyptique. Il reste plus qu'un Tokyo 3. Tout a été détruit avant. Et bien des extraterrestres qui arrivent, qui sont presque des extraterrestres abstraits. Et pour lutter contre ces extraterrestres, eh bien le dernier rempart, ce sont des adolescents adolescents très jeunes, de 13 ans, qu'on met aux commandes en symbiose avec des machines qui pénètrent littéralement leur cerveau. Alors, on va vous diffuser un extrait en version française. La voix en version française est un peu troublante parce que la voix du pilote de Shinji, qui est le petit garçon qui a 13 ans, est une voix très grave d'homme mature. Il faut savoir qu'au Japon, c'est une femme qui doublait Shinji parce que c'est des adolescents qui n'ont pas encore fait leur mue et ça va être quelque chose d'important. Écoutez. Je te présente le dernier rempart pour l'humanité, une arme absolue et polyvalente, l'humain de synthèse Évangélion, dont voici l'unité 1. Tous les espoirs de survie de l'humanité reposent sur elle. C'est donc ça le travail de mon père ? Écoute-moi, Shinji. Oui ? C'est toi qui la piloteras. Hein ? Tu veux que je monte là-dedans ? Pour me battre contre ce monstre ? Pourquoi moi en particulier ? Parce que toi seul peux faire ce que je te demande. C'est bon, j'accepte. Je serai votre pilote. Submersion de l'âme triple œil. Oh, qu'est-ce qui se passe ? Reste calme. Tes poumons vont se remplir de LCL. L'oxygène sera directement acheminé dans ton sang. Tu vas t'y faire. Mise sous tension de l'alimentation générale. Mise sous tension confirmée. Lancement de l'interconnexion niveau 2. Prêt pour le lancement ! Préparation lancement. Retrait du bras de rétention numéro 1. Décollage ! Shinji, mentalise que tu es en train de marcher. De marcher ? Oh ! Il y arrive ! Marcher. Voilà un extrait du premier épisode de la série Évangélion. Pourquoi est-ce que c'est une claque ? Pourquoi est-ce que c'est aussi important cette série Évangélion, selon vous, Marie Privot de Lasfre ? Tout d'un coup, on est mis dans la tête du pilote et non plus finalement dans sa tête en tant qu'il va sauver l'humanité comme une sorte d'évidence, mais dans sa tête en tant que, en fait, c'est dramatiquement difficile de piloter ces Evas et ça les met dans des états de souffrance extrême, des souffrances physiques, mais aussi des souffrances psychiques que la série s'emploie à nous transmettre et à nous faire vivre. Il y a des moments d'introspection où on est complètement dans la tête des personnages et ça, c'est très impressionnant parce que ça décale complètement le genre vers quelque chose d'autre. Là aussi, réflexion très politique sur les enfants soldats, sur jusqu'où on peut sacrifier des enfants comme pour sauver l'humanité. Un mot sur la brutalité et puis sur le sous-texte aussi évidemment sexuel. On l'entend à un moment donné, il retourne dans une sorte de poche amniotique, il respire à nouveau. Tout ça est extrêmement sexualisé, tout ça est extrêmement retors à tel point que même ça, il y a eu un certain nombre de plaintes et de critiques suite à la sortie d'Évangélion en disant on ne peut pas aller jusqu'à ce niveau-là. Justement, enfin, il me semble que cette série met en scène tout ce qui concerne l'homme et l'humain finalement dans tout. C'est dans un large spectre finalement qui prend tous les domaines, donc des doutes au. Et il y a effectivement une certaine brutalité, il y a un aspect très sexualisé effectivement aussi, mais je trouve que, enfin, le Évangélion entre vraiment dans le. Fait un point de jonction avec tout ce qu'il y a eu aussi avant. Dans le sens où, entre le robot qui. Ça met un terme au méca. On fusionne avec le robot finalement. Et, On arrive effectivement à. Il n'y a plus l'homme d'un côté, le robot de l'autre. Il y a une entité qui elle-même. Ces robots géants ne sont pas vraiment des robots, ce sont elles-mêmes des entités extraterrestres. On est vraiment dans une sorte effectivement de remise à zéro, de réécriture complète du mythe originel. Oui, enfin, on va pas spoiler la série, mais effectivement, en fait, on sait pas vraiment hein, si les Evas sont des robots, elles le sont à moitié, ou elles sont des créatures qui seraient maîtrisées par une sorte d'armure. Et de ce point de vue, Evangélion fait tout pour nous déstabiliser, pour nous présenter, puis nous retirer tous les codes du méca, et ça marche extrêmement bien, parce que, évidemment, tous ces éléments sont profondément problématiques, en fait, et nous amènent à nous interroger sur le rapport à la technologie aussi, à l'usage qu'on en fait sur qu'est-ce qu'on fait de ces machines. Il y a une dimension un peu plus proche de la perception occidentale, je trouve, dans Évangélion. Au Japon, effectivement, les machines sont plutôt considérées comme des partenaires ou des amis jusque-là, et dans Évangélion, ce sera beaucoup plus ambivalent, il me semble, dans, dans l'approche. Jean-Claude Audin, dans Les créatures artificielles, écrit quelque chose que je trouve intéressant. Il dit le corps câblé, puisque les pilotes sont câblés directement sur leur robot, le corps câblé est une métaphore de la réalité sociale où la distance entre l'organique et la technologie se réduit de plus en plus. La distance, le biomécanique, à partir d'Akira, hein, c'est vraiment un thème transversal de toute la SF japonaise à partir du milieu des années 90. Oui, qu'est-ce qu'on va faire du corps ? Est-ce qu'il va disparaître ? Est-ce qu'il va se dissoudre effectivement dans des machines qui vont l'augmenter ? Et pour la société japonaise, c'est une question assez protéiforme, puisqu'elle interroge aussi sur la place de robots dans la vie quotidienne et la façon dont on va pouvoir interagir avec eux. Donc là aussi, on retombe dans quelque chose qui est éminemment politique et qui interroge sur les liens sociaux en tant que tels, comment ils vont pouvoir continuer à exister dans ce contexte. Ce sont les mêmes questions que pose un autre manga essentiel des années 90, Ghost in the Shell. Est-ce que suis-je un humain, suis-je un robot, jusqu'où est-ce que je peux intégrer des parties mécaniques tout en restant humain, Tony Sanchez? Effectivement, et donc on voit dans le film d'ailleurs l'intelligence artificielle qui se demande, c'est elle n'est pas plus humaine finalement que certains des cyborgs qui ont des corps augmentés, qui n'ont plus rien d'humain en tant que tel. Cette thématique, jusqu'où est-ce que, en fait, finalement, pour faire la comparaison avec la science-fiction occidentale, on voit que cette thématique de la fusion, de l'hybridation, cette thématique de la fusion dès le très jeune âge, de la question de la place, de l'évolution du corps, de l'impossibilité du corps à devenir un corps adulte, tout ça, ce sont des thématiques de la science-fiction très, très, très japonaise et qui sont vraiment très étrangères à la science-fiction occidentale. Oui, on voit se développer ces thématiques effectivement depuis les années 60 maintenant, et probablement qu'elles prennent place aussi dans une société qui s'interroge profondément sur l'évolution qu'ont connue les relations humaines au Japon depuis l'après-guerre, avec des phénomènes de d'isolation, d'éclatement des familles, qui probablement rendent en fait très très quotidien et très réaliste ces thématiques pour le public japonais. Pour conclure, puisqu'il nous reste une petite minute, qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui, de Pacific Rim, pas du film en tant que tel, mais de la façon dont aujourd'hui la culture mondiale, l'industrie du divertissement international a récupéré ces genres, le Godzilla de Gareth Edwards qui va avoir une suite, aujourd'hui Pacific Rim, qu'en pensez-vous ? Est-ce que ça respecte cet héritage ? Est-ce que ça l'a dénaturé ? Est-ce que ça l'appauvrit ? Est-ce que c'en est une pâle copie ? Quel est votre avis, Tony Sanchez ? Pacific Rim est un bel hommage, je trouve, au méca, d'ailleurs, est un hommage d'un fan. Ça se sent dans la façon dans le premier de Guillermo del Toro. Dans la façon dont c'est construit. Donc ça respecte la structure, les codes du genre. C'est un bel hommage. On retrouve d'ailleurs les thématiques de l'enfant soldat. Dans Pacific Rim, les pilotes sont relativement jeunes. Ils sont aussi liés directement à leur robot. Quand le robot se fait arracher un bras, le pilote a l'impression de se faire arracher un bras. On retrouve des thèmes qui sont proches d'Evangelion. D'ailleurs, même l'apparence des robots fait penser aux Eva. Ah oui, pour moi, Pacific Rim, c'est autant finalement un rappel d'Evangelion que de roboto animé plus classique. Et je trouve ça assez intéressant que Hollywood se permette d'une certaine façon, de façon aussi évidente, de marquer son influence japonaise qui était souterraine finalement depuis très longtemps. Et là, on a en quelque sorte un aveu d'influence artistique, et c'est assez beau d'une certaine façon. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Marie Pruvot-Delas. Je rappelle que vous préparez un numéro de la collection qui sera consacré à Goldorak. Ce sera à paraître au mois de septembre aux presses universitaires de François Rabelais. Vous reviendrez pour nous en parler. Merci Tony Sanchez. Et puis je tiens à vous rappeler que samedi prochain, pas demain, mais la semaine prochaine si vous souhaitez, c'est le troisième forum l'année vue par les savoirs consacré aux révolutions de l'intelligence. On y parlera de l'intelligence humaine, mais aussi des robots, de l'intelligence artificielle. C'est samedi prochain dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne à Paris. L'inscription est gratuite, mais elle est obligatoire via le site de France Culture ou de la Maison de la Radio. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Sarah Hijement, Céline Lozen, Eve Etienne, Noémie Naguette-Saint-Vulfran, Antoine Beauchamp, Elisabeth Biro à la réalisation, Morgane Danan à la technique. La suite de vos aventures sur France Culture. Dans un instant, le magazine de la rédaction, Never Again, le combat des lycéens de Parkland par Grégory Philips. Tout à l'heure, du grain à moudre en direct du Bel Air à la Maison de la Radio. Front Social, le printemps est arrivé. C'est le club du grain d'Hervé Gardette et de ses invités du vendredi. Et pour ce qui nous concerne, la semaine prochaine, sécurité alimentaire le lundi, TIA Gaïa, la protoplanète de la taille de Mars qui a impacté la Terre. Ce sera mardi, mercredi, on parle des écrans souples. Jeudi, de l'histoire du Sahara. Et vendredi, actu des sciences et de la recherche. Rendez-vous lundi à 16h jusqu'à preuve du contraire.